إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله عباد الله قلنا من قواعد تزكية النفس إغلاق النوافذ التي تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغلاق النوافذ التي تدنس نفسه وقد ضرب لنا في السنة مثل يبين خطورة ولوج العبد فيما يضيع عليه دينه ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى باب الصراط داعيه يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح ترجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم أخرجه الإمام أحمد قيل في شرح هذا الحديث ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرى ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات أخذته الكلالب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرى بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها ولذلك ينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيسا فيسأل الله عز وجل الصبر والنجاة الصبر والنجاة وأن يقطع كل طرق مؤدية لضياع نفسه وهلاكها فدين العبد رأس ماله وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Donc dans les sermons précédents, serviteurs d'Allah, chaque croyant, chaque croyante, on a parlé longuement de la purification de l'âme pour atteindre les nobles moralités, les bons comportements et pour atteindre ce qu'on appelle, on a dit, la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Et de ce fait, il y a une chose que nous enseignent les grands théologiens musulmans et les grands savants, qu'on a cité la fois dernière et qu'on va essayer de détailler aujourd'hui à travers ces minutes bien compter, une cause qui se nomme Irlaq Nawaf et de Kullu Ma Yuaddi ila Daya' al-Nafs. Fermer toutes les portes qui conduisent à la perdition. Pour ne point devenir esclave de nos passions. Parce que la personne qui ne se purifie pas, qui ne purifie pas son âme, il va devenir esclave de ses passions. Et donc, s'il devient esclave, il sera plus maître de lui-même, et donc, il sera mené et conduit et guidé par ses passions. Et donc, le musulman doit faire un travail, c'est une quête, c'est un chemin, c'est un travail à faire tout au long de sa vie. Et je voulais aujourd'hui vous faire partager un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui nous enseigne cela, qui va nous aider à comprendre ce sujet, et qui va nous aider justement à mettre cela en application. Donc pour ce sermon, j'ai choisi ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui va nous expliciter cela. Dans un hadith, un récit remontant jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, l'imam Ahmed, qui le rapporte, et aussi un autre imam, l'imam Tirmidhi, est jugé authentique par des grands traditionnistes spécialistes en la matière. Alors, le prophète, ensemble dans ce récit, nous dit qu'Allah a donné l'exemple. Allah a fait une parabole, a donné l'exemple d'un pont. L'exemple d'un pont qui est le chemin droit. Et aux deux côtés, sur les côtés de ce pont se tiennent deux murs. Deux murs comprenant des portes qui sont ouvertes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous détaille cela et nous dit que Allah azza wa jalla dans cet exemple qu'il nous donne alors un pont avec à ses extrémités ou plutôt sur ses côtés deux murs. Et chaque mur comprend des portes ouvertes avec des rideaux. Donc des rideaux qui sont étendus, comme c'est détaillé dans le récit. Et à l'entrée de ce chemin, il y a un appeleur qui s'écrit aux gens, entrez dans le droit chemin et ne déviez pas. Entrez dans le droit chemin, cheminez sur ce chemin et ne déviez pas. Et il y a un autre qui appelle du haut du pont. Donc il y a un appeleur à l'extrémité du pont et un autre qui appelle au-dessus ou en haut de ce chemin. Lorsque la personne veut ouvrir l'une des portes. Donc lorsqu'une personne veut ouvrir l'une des portes, alors un appeleur lui dit, n'ouvre pas cette porte. Il lui dit, oh pauvre, pauvre à toi, n'ouvre pas. Car si tu l'ouvres, tu y pénétreras. Alors, ensuite, il est dit dans le récit que ce chemin, c'est l'islam. Wasuran, les deux murs, c'est Hududullah, ce sont les limites d'Allah. Wal abwabul mufattaha, et les portes ouvertes qui sont, comme on a mentionné dans le récit, sur ces murs, maharimullah, ce sont les interdits d'Allah. وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ. Et cet appeleur qui appelle au début du chemin, c'est Kitab Allah Azza wa Jal. C'est le livre d'Allah, c'est le Coran. وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ. Et celui qui appelle d'au-dessus du sirat, comme on l'a dit, lorsqu'une personne veut ouvrir l'une de ses portes, alors lui dit, pauvre à toi, n'ouvre pas, car si tu ouvres la porte, tu y pénétreras. Alors il est dit dans le récit, wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Wa'idullah fi qalbi kulli muslim. C'est un sermonneur qui est dans le cœur de chaque musulman, dans le cœur de chaque croyant. Une chose, un appeleur, un sermonneur qui l'appelle au bien. Wa lidhalik qila fi sharh hadha al-hadith, wa man kana fi ad-dunya qad kharaja 'an al-istiqama على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرى دخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات أخذته الكلالب التي على ذلك الصراط بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم وَدَخَلَ إِلَيْهَا. C'est pour cela que dans le commentaire de ce hadith, alors les savants nous exhortent dans l'explication de ce récit, nous disent qu'il y a une exhortation, une incitation à tenir bon sur le droit chemin et ne pas ouvrir ces portes qui en réalité sont ce qu'on appelle « الشهوات والشبهات ». الشهوات, donc il y a le droit chemin et sur chaque côté un mur avec des portes, deux rideaux étendus, et donc il y a les interdits et les passions. Les interdits et les passions. Celui qui ouvrera, essaiera de pénétrer ce qu'on appelle Maharim Allah, alors il y pénétrera. Et donc, on a un appel, une exhortation, une incitation à se protéger, à protéger sa personne. Et ça, ça fait partie des causes pour ce qu'on appelle Tazkiyat Nafs, pour la purification de l'âme, pour atteindre ce qu'on appelle la grandeur d'âme, pour atteindre les nobles moralités, les bons comportements. Donc la personne, vous avez vu, il y a une grande exhortation. C'est pour cela qu'il est dit que ce pont-là, cet exemple de son pont, alors c'est l'islam. وَذَلِكَ الدَّعِي, c'est l'islam. Les deux murs, ce sont les limites d'Allah. Et les portes ouvertes, ce sont les interdits. وَذَلِكَ الدَّعِي, et celui qui appelle à l'extrémité de ce pont, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le da'i est celui qui appelle au-dessus du pont pour nous éviter d'ouvrir ses portes et d'y pénétrer, où il y a les ash-shahawat, wa-shubuhat. Ça, c'est une sorte de sermonneur qu'il y a. Wa'idhun fi kulli qalbin muslim. Fi qalbi kulli muslim, plutôt. Fi qalbi kulli muslim. Chaque musulman, ce sermonneur, justement, qu'il exhorte à ne pas, qu'il le défend, de pénétrer dans ces enclos interdits. Et de ce fait, c'est comme cela, si on fait un effort sur soi-même, on fait un travail sur soi-même, on essaie de protéger son âme de tout ce qui va souiller et entacher et aller à l'encontre de la purification de l'âme pour atteindre la grandeur d'âme et la purification de notre âme pour ne point devenir esclave de nos passions. والله أعلم فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.